La députée Yann Pia a été assassinée en février 1994. Mais les frères Sassenay, qu'on a retrouvés morts moins de 3 mois plus tard dans le même département, le Var, n'auraient-ils pas été eux aussi assassinés ? Et peut-être pour une raison identique, la connaissance qu'ils avaient d'une gigantesque embrouille immobilière et politico-mafieuse. Je résume ce que nous a appris M. X la semaine passée. Yann Pia, député de la droite classique, après être passé par le Front National, prétendait nettoyer son département miné par la corruption et le gangstérisme. Était-elle sincère ? En tout cas, elle gênait. Avant et après sa mort. La meilleure preuve ayant été donnée par l'attitude de la justice qui s'est empressée de réduire son assassinat à une banale affaire de rivalité politicienne réglée par une équipe de petits malfrats locaux, quitte à multiplier les négligences et les manquements et à refuser systématiquement les investigations qui auraient pu déboucher sur une vérité autrement plus dérangeante. Et pourtant, une enquête sérieuse sur l'étrange double mort des frères Sassenay en mai 1994 aurait certainement pu faire la clarté sur ce dossier et donc permis aussi d'identifier les vrais commanditaires de l'assassinat de Yann Pia. Monsieur X ouvre donc le deuxième volet de cette affaire ténébreuse car pour lui, il n'y a aucun doute, les deux dossiers sont liés. Même le ciel croyait pleurer, puis il resta gris. C'était en pleine semaine avec quelques copains, 2 ou 3 oiseaux. Interdit le temps des regrets, moi je t'aimais comme il faut. Devant de fausses frottes, le titre d'amis favori sans ex aequo. Ronce thèse, on distingue plus les semblants gémissants. Les plus patients ont attendu que tu partes pour lâcher des marques d'affection et goût par goût. Où ça compte tes sous pour la collecte, un conseil. Vous les vivants, choisissez vos collègues. Nadir confirme leur présence à ton mariage. Une seule question, combien seront-ils à ton enterrement? Quel tort y a-t-il devant ce corps vide? Le manque de respect est-il le vice des mortels? Le chagrin rend pas tant mon bordel. On paie rien pour attendre, se moquera-t-on de ton corps à la morgue? Comme dans certains épisodes sur les ondes, Biggie featuring Bob. Bob Marley. À ton enterrement, y'avait des colombes ou des vautours? Où étaient les corbeaux? Qu'as-tu pensé du discours? Tu veux tricher de ton vivant? On verra qui sont les gens contents. À ton enterrement, je serai présent, mais loin de tes proches. Je serai plutôt du genre planqué dans un coin, main dans les poches. D'amis, on est devenus ennemis. Putain que c'est moche. Maintenant qu'il gît sous pied sous terre et je me fais plein de reproches. Mais respect, tiendrai la torche, t'as laissé. Les tiens qui m'approchent viennent partager une DSP. Ils savent que j'étais ce rival, dur à tester. Qu'après 6 mois à l'hôpital, t'y restais. On se faisait la compète, genre qui est le plus fly? Qui a le plus de plans, plus de gens, plus de mailles? On allait en cours ensemble, on était juste des cailles. Je n'ai jamais osé t'avouer que tu avais plus de style. On s'est embrouillé pour une meuf, j'irai pas plus de détails. Puis on ne se parlait plus, c'était juste bataille. Je parle de vraie vie, de vrais trucs, genre superstar de cité. Genre qui dans la rue était le plus plébiscité. À ton enterrement, y'avait des colombes ou des vautours? Où étaient les corbeaux? Qu'as-tu pensé du discours? Tu peux tricher de ton vivant, on verra qui sont les gens contents. À ton enterrement, y'avait des colombes ou des vautours? Où étaient les corbeaux? Qu'as-tu pensé du discours? Tu peux tricher de ton vivant, on verra qui sont les gens contents. À ton enterrement. France Inter, Patrick Pénaud, un rendez-vous avec X. C'est le 12 mai 1994 que les corps de Christian et Fernand Sassenay sont découverts dans le garage de la villa La Jasmine à Tourtour, localité du Haut-Var. Une villa que les deux frères ont louée quelques semaines plus tôt dans le but évident de se mettre au vert. Ah ouais, de prendre une certaine distance. Oui, parce qu'ils ne se sentaient plus en sécurité à Vitrolles, là où ils habitaient. Apparemment, ils se sont suicidés. Les deux frères, sanglés par la ceinture de sécurité, sont assis à l'avant de leur voiture de location, une petite Peugeot. Un tuyau d'aspirateur fixé sur le pot d'échappement est relié à l'habitacle. Ils semblent donc avoir été asphyxiés par le monoxyde de carbone et sont morts depuis une semaine. Mmh. Et qui les a trouvés ? La fille du propriétaire de la maison et son compagnon, un policier parisien. Premier détail troublant. Ce policier, qui a une certaine expérience, a très vite l'impression que cette scène de mort est suspecte. Ah bon, il ne croit pas au suicide ? Il a des doutes. Mais avant d'aller plus loin, quelques informations sur les frères Saint-Sné. Passons rapidement sur la personnalité du cadet, Christian. Cet assureur, qui approche de la cinquantaine, a été récemment licencié par la compagnie dont il était l'agent général. Il était d'ailleurs sur le point de toucher une indemnité de licenciement d'1 million de francs. Ouais, c'est coquet. Et pourquoi ce licenciement ? Parce qu'il a été la victime indirecte de la réputation douteuse de son frère, qui avait de sérieux ennuis judiciaires. Alors, ben justement, le frère. Hein. Fernand, 52 ans, c'était le cerveau du duo. En dernier lieu, il effectuait des enquêtes pour dépister les fraudeurs aux assurances. Et selon son avocat, ça lui permettait de bien gagner sa vie. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il faisait auparavant. Saint-Sené était officiellement vacataire au Conseil régional, affecté plus particulièrement à l'Office régional de la mer. Mais c'était un emploi fictif. En réalité, il était chargé de mission auprès du directeur de cabinet, Claude Bertrand, du président de la région PACA, Jean-Claude Gaudin. Chargé de mission, ça signifie quoi ? Je vais y revenir plus longuement, mais disons pour l'instant que Fernand Saint-Sené était l'homme à tout faire du conseil régional, c'est-à-dire qu'il pouvait effectuer l'occasion de plus ou moins sales besognes, jusqu'au moment où, en 1991, où il a été rattrapé par une affaire de raquette fiscale qui lui a valu son licenciement et une mise en examen. Mais je vous l'ai dit, je reviendrai sur son parcours. Bon, alors l'enquête maintenant. Est-ce que la thèse du double suicide est retenue par la justice ? En effet, ce sera, si j'ose dire, la vérité judiciaire. Et cela en dépit d'une enquête qui semble hâtive, sinon bâclée. Intentionnellement bâclée ? Ça y ressemble, malheureusement. Alors, essayons de détailler. Et comme dans l'affaire Pia, relevons tous les éléments qui peuvent inspirer le doute. Il y a d'abord ce témoignage d'un pompier volontaire, corroboré par l'un de ses collègues appelé comme lui sur les lieux après la découverte des corps. Ce sapeur-pompier remarque des taches de sang sur la chemise du frère Saint-Sné, assis à la place du conducteur. Taches dans le dos et l'épaule droite, mais aussi marques d'ecchymose. Mais les enquêteurs fermement accrochés à la thèse du suicide jugeront que ces observations étaient fallacieuses. Ouais, bref, les pompiers auraient eu la berlue. Quoi. Et pour régler la question une fois pour toutes, en juillet 1994, les vêtements des deux frères ont été détruits. Ça, c'est de l'escamotage de preuves. Il semble, oui. Encore mieux ou pire, le corps de Christian Saint-Sné, celui des frères sur lequel apparaissaient les traces de coups les plus visibles, est incinéré. C'est assez insensé, hein. Et le médecin légiste, là, qui a obligatoirement procédé à l'autopsie des corps, qu'a-t-il constaté, lui ? Son rapport est formulé de façon ambiguë. Il écrit qu'il n'a pas constaté de traces importantes de coups de nature à entraîner la mort. Mais il ne nie pas qu'il y ait eu des coups préalables à la mort. C'est ça. Donc, il y a eu violence. Autre point douteux. Une première analyse du sang des frères conclut à l'absence de monoxyde de carbone. Ils n'auraient pas été asphyxiés par conséquent. Oui, mais une contre-expertise infirme ce premier point de vue. Plusieurs jours après le décès, ce gaz ne serait plus détectable dans les molécules d'hémoglobine. Autre point litigieux, comme on a constaté sur les dépouilles, aucun réflexe de survie. On en a conclu que les deux frères avaient perdu conscience après avoir absorbé des tranquillisants. D'accord, mais pourquoi n'a-t-on pas effectué une analyse afin de déterminer quelle dose les deux hommes avaient ingurgité ? Encore une négligence, sans doute. Et puis, il faut mentionner la présence d'une deuxième voiture louée par les Saint-Sené, garée contre la porte du garage, fermée à clé, exactement comme si on avait voulu rendre impossible une fuite éventuelle ou encore retarder l'arrivée des secours. Et là, il faut revenir au témoignage de l'ami de la fille de la propriétaire. Ah oui, ce policier parisien. Oui. Il explique que, ne pouvant ouvrir la porte du garage bloquée par le deuxième véhicule, il a ensuite tenté de pénétrer dans la maison car il était en possession des clés. Mais les issues étaient non seulement fermées, mais aussi bloquées par des barres de fer disposées à l'intérieur. Détail plus qu'intrigant, ce policier a trouvé deux jeux de clés dans un petit parterre jouxtant la terrasse, dont l'un correspond aux clés de la maison. Ah oui, mais ça jette un sérieux doute sur la thèse du suicide. Bien sûr. Comment les deux frères auraient pu s'enfermer à l'intérieur de l'habitation avec des clés jetées à l'extérieur? Mais ce n'est pas la seule découverte de cet homme perspicace. Il a aussi trouvé une bouteille d'éther vide, abandonnée à côté de la porte du garage, sur une terrasse. De l'éther qui aurait pu servir aux assassins pour endormir les deux frères? Mais ça n'a pas troublé le juge d'instruction, il a trouvé une explication. L'éther aurait été utilisé par l'un des cincenés pour enlever les tiques de son chien, sauf que pour les gens qui connaissaient très bien les très méticuleux frères, n'était pas leur genre de se débarrasser d'une bouteille vide en la jetant dans le jardin. Autre indice, qui à ma connaissance n'a pas été exploité, et qui ne sera révélé qu'en 2005, par le journaliste Roger-Louis Bianchini. Des traces de pneus d'un 4x4 ont été relevées aux alentours de la maison du drame. Ça fait beaucoup tout ça, hein ? Assez en tout cas pour mettre sérieusement en cause la thèse du double suicide. Hein ? Ce n'est pas fini, par exemple. Il a été procédé à une expertise du tuyau d'aspirateur ayant, en principe, permis aux frères de s'asphyxier dans leur voiture. Le rapport, rendu 9 mois et demi après la découverte des cadavres, indique que ce tuyau n'aurait recelé aucune trace d'hydrocarbure sur sa paroi intérieure. Et alors qu'il aurait transporté durant plusieurs heures les gaz d'échappement et de fumée du moteur jusque dans l'habitacle. Hein. Curieux, non ? Mais apparemment, ça n'a pas troublé le procureur lorsqu'il a rédigé son réquisitoire définitif de non-lieu en juillet 1995. Il s'est simplement contenté de mentionner qu'une expertise du tuyau avait été effectuée, mais sans en donner le résultat. C'est pas non plus étonné de la disparition de deux sacoches posées à côté de l'ordinateur de l'aîné des Saint-Sné. Leur existence n'est même pas évoquée dans son réquisitoire. Donc, on n'a jamais su ce que pouvaient contenir ces sacoches. Vous avez parlé d'ordinateur, là j'imagine qu'on a quand même dû essayer de faire parler cette machine. Un expert en informatique a été en effet commis. Car cet ordinateur occupe une place essentielle dans l'affaire. Mais pourquoi ? Parce qu'on y a trouvé une lettre où Fernand annonce le double suicide. Cependant, l'expert a pu établir que cette lettre n'avait sans doute pas été tapée par Fernand, mais plutôt par une tierce personne sur un autre ordinateur qui l'avait ensuite copié dans la machine de Saint-Sné. Donc la lettre n'est pas authentique ? On peut le penser. Mais ce même expert ne s'est pas arrêté là. Il a demandé l'autorisation de décrypter les 5 niveaux de mémoire accessibles dans le disque dur. Donc même les données effacées par conséquent. Hein. Mais le juge ne lui a pas délivré cette autorisation. Enfin, et j'en aurais fini avec cet aspect de l'affaire, 10 jours après la découverte des corps, la compagne de Fernand a déclaré au juge chargé de l'affaire qu'elle avait remis aux gendarmes 2 enveloppes reçues de Fernand le 3 mai. Et la découverte des corps a eu lieu vers le 10 mai, hein, c'est 12 mai, je crois. L'une de ces lettres était destinée au juge Van Ruinbeck. Saint-Sné avait collé dessus un post-it sur lequel il avait écrit « Si la vérité éclate, quel scandale !» Attends, que vient faire ici ce magistrat, hein ? Conseiller à la cour d'appel de Rennes. Il instruisait un dossier sur le financement du Parti républicain. Ah oui, le parti de François Léotard. Hein. Qui était député maire de Fréjus dans le Var et qui était aussi, à l'époque des faits, ministre de la Défense. Or, Renaud Van Ruinbeck avait reçu un courrier de Fernand, envoyé sans doute la veille de sa mort, lui annonçant son intention de lui fournir des informations sur des cheminements frauduleux d'énormes capitaux dans la région varoise. Il était prévu que Saint-Sné se déplace à Rennes pour rencontrer le juge. Ouais, mais il est mort avant de s'y rendre. 2 jours avant. Et le juge Van Ruinbeck ne saura donc jamais ce que Saint-Sné voulait lui confier. Jean-Michel Verne est ce journaliste qui a écrit en 1997 avec son confrère André Rougeau un livre controversé sur l'affaire Pia qui a été censuré et même retiré des rayons, car il mettait en cause, sous des pseudonymes assez transparents, deux personnalités politiques à la fois locales et nationales, François Léotard et Jean-Claude Gaudin. Verne reconnaît aujourd'hui que son confrère et lui ont été vraisemblablement victimes d'une manipulation. Il n'empêche que leur enquête reposait quand même sur des faits incontestables. La preuve, c'est que beaucoup de ces éléments ont été publiés dans le Canard enchaîné, l'employeur de Rougeau, sans avoir été démenti ni fait l'objet de plaintes. Dans un autre livre, Verne est revenu aux sources de son enquête et il écrit ceci. L'infiltration de la mafia dans notre pays ne résulte pas de la lubie de deux journalistes en mal de gros tirage. En 1995, le rapport de l'UDF François Daubert pointe du doigt les pénétrations de l'honorable société dans le Var et les Alpes-Maritimes. Et François Daubert de citer à l'appui de sa démonstration les déclarations de repenti qui évoquent l'existence d'une fameuse cellule de 10 dans un triangle des Bermudes qui se situerait entre Nice, Grenoble et Montpellier. Encore un mot sur le double suicide des frères Saint-Sinais. Parents et amis n'y ont jamais cru et ont affirmé unanimement que les deux frères n'étaient nullement dépressifs. Et ils y voient une confirmation dans une lettre que Fernand Saint-Sinais a envoyée à son avocat quelques jours avant sa mort. Qu'écrit-il ? À peu près ceci. Je suis en possession de toutes mes facultés mentales. Je ne suis pas en état dépressif. Et je n'ai aucune envie ni besoin de me suicider, tout comme mon frère Christian, mon fidèle bras droit. Mais il est vrai que les deux frères redoublaient de prudence, car ils étaient suivis et donc en danger. C'est pourquoi ils s'étaient réfugiés dans cette maison du Haut-Var, qu'ils avaient loué deux voitures pour se protéger mutuellement lors de leurs déplacements et qu'ils coupaient délibérément les ponts avec leurs proches, comme pour les prémunir contre une éventuelle menace. Oui. Mais pour obtenir une réelle protection, n'aurait-il pas fallu qu'ils révèlent publiquement ce qu'ils savaient ? Et c'est ce qu'ils s'apprêtaient à faire lors du rendez-vous avec le juge Van Ruynbeck. Mais ils auraient pu le faire aussi à Marseille, le 5 mai, lors du procès sur l'affaire de racket fiscale dans lequel Fernand Saint-Sinais était mis en cause. Une affaire qui jette une lumière crue sur ses agissements. Et si vous voulez le fond de ma pensée, je vous dirais que si Fernand a tardé à révéler ce qu'il avait découvert, c'est qu'il essayait d'en tirer avantage. Ouais, du chantage, quoi. Quel vilain mot, monsieur Pénaud, allons. Alors, bon, quel a été le parcours de Fernand Saint-Sinais ? Au début des années 80, il est gérant d'un restaurant et d'une boîte de nuit près du Vieux-Port de Marseille. C'est à cette époque qu'il aurait rencontré le futur maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin. Ensuite, notre homme se reconvertit en s'occupant d'un garage automobile. Il aurait alors été encarté au sac. Oui, le service d'action civique, gaulliste de sinistre réputation. Et il faut rappeler que le sac dans les Bouches-du-Rhône, c'est aussi la tuerie d'Auriol. En 1983, Saint-Sinais participe au service d'ordre de la campagne municipale de Gaudin. Il affirme alors que le candidat lui a promis la direction de sa future police municipale. Mais Gaudin n'est pas élu. Toutefois, en 1986, il accède à la présidence de la région qu'il va administrer avec le Front National. Saint-Sinais est récompensé. Il obtient un emploi de vacataire affecté au parc du matériel de l'Office régional de la mer. Son CDD est renouvelé chaque année. Mais il ne pointe pas souvent. Vous avez parlé même d'emploi fictif. Et ça lui permet parallèlement de s'improviser détective privé à partir de 1990, tout en donnant l'impression d'occuper une fonction officielle. Présent dans les cérémonies, il ne manque jamais une occasion d'arborer une carte professionnelle de la police nationale, mais aussi une carte d'agent du renseignement. Des faux papiers. Voilà. Mais qui font illusion. Saint-Sinais se déplace alors en R25 équipé d'un gyrophare. Et dans le vide-poche de sa voiture, il range une arme. Quoi, c'est un mythomane ou... Je dirais plutôt mégalomane, car en même temps, il grenouille réellement dans des milieux où l'on trouve d'anciens paras, des policiers dévoyés, des nostalgiques de l'OAS, des orphelins du sac, et même des adeptes de sectes ésotériques telles que les Rose-Croix ou de pseudo-ordre de Templiers. Et je me souviens que derrière le massacre d'Auriol, perpétré par le sac, on avait aussi évoqué l'éventuelle implication de l'ordre du Temple solaire. C'est exact. Mmh. Et tout cela donne l'impression de se trouver face à une organisation subversive du type loge P2. Ouais, une P2 à la française. Qui ne serait pas seulement folklorique, mais franchement barbouzarde, quoi qu'il en soit. Les photos qu'on retrouvera chez lui témoignent de sa proximité avec des officiers de police ou des militaires. Il apparaît d'ailleurs littéralement fasciné par les armes. Ainsi, sur une photo, Saint-Senet pose en treillis, fusil d'assaut à la main et juché sur une Jeep frappée d'une croix de l'ordre de Malte. Ah, les Templiers, toujours. Hein. Chez lui, on retrouvera aussi des toges frappées de la croix rouge des Templiers. Saint-Senet, c'est certain, gravitait donc dans des réseaux opaques tout autant qu'affairistes et complotistes. Et c'est un aspect de ses activités qui apparaît au grand jour dès 1991, quand on va apprendre qu'il est au cœur d'un vaste système de raquettes fiscales. Et cela à quelle occasion ? En septembre 1991, un chef d'entreprise des Alpes-Maritimes, Richard Granier, dénonce à la police un chantage fiscal dont il est la victime. Le receveur des impôts de Marseille, Pierre Cervera, serait la pièce maîtresse d'un vrai réseau de racketteurs. Une arnaque assez simple. Il est proposé à un certain nombre d'entrepreneurs de la région d'éviter un considérable redressement fiscal contre le versement d'une grosse somme. Pour sa part, Granier aurait déjà payé 1 million de francs en espèces. Et Saint-Senet dans cette affaire ? Il est chargé de réceptionner l'argent. Ah, et j'imagine que ces cartes tricolores là doivent impressionner ces donateurs forcés. Bien entendu. Mmh. Et quand son ami Cervera est placé en garde à vue, ne doutant de rien, il se présente à la gendarmerie et demande des explications. À noter qu'il y est arrivé dans sa voiture avec gyrophare et cocarde tricolore sur le pare-brise. Ouais, pour impressionner les pandores. Évidemment. Bah, ça ne marche pas. Il a beau tempêter, faire état de ses hautes relations, les gendarmes ne bronchent pas, car ils viennent de remarquer que le nom de Saint-Senet figure sur la liste des suspects. Résultat, il est aussitôt placé lui-même en garde à vue. Lors de la fouille réglementaire, on découvre sur lui ses 2 fausses cartes professionnelles, un pistolet automatique 22 longs rifles Beretta et une enveloppe contenant 20 000 francs. Et ce n'est pas fini, car une perquisition à son domicile de Vitrolles offre d'autres surprises. Qu'y trouve-t-on ? Bah, tout un attirail policier, des gyrophares bleus de la gendarmerie, un scanner de fréquence radio, une cocarde tricolore électrique, une paire de menottes, et pas moins de 10 armes de première et de quatrième catégorie. Il fallait quand même qu'il soit drôlement sûr de lui là, pour se présenter ainsi à la gendarmerie. Oui, il se croyait visiblement intouchable. Et pour sa défense, que peut-il dire ? Il soutient avoir été engagé 20 ans plus tôt par des personnages appartenant aux services spéciaux qui lui auraient demandé d'exercer des missions de surveillance. Ce sont eux qui lui auraient remis ses cartes professionnelles de police et toute sa panoplie. Mais, vérification faite, Fernand Saint-Senet est inconnu des services de l'intérieur et de la défense. Par contre, il est bien impliqué dans le réseau de raquettes fiscales. Sur son ordinateur figurent plus de 400 dossiers de redressement. Est-il incarcéré ? Oui, et il en dit le moins possible. Jusqu'au jour où il apprend que son salaire de vacataire au conseil régional ne lui est plus versé. Et que ses employeurs, à commencer par Jean-Claude Gaudin, le traitent d'imposteur et de mythomane dans les médias. Et ça, ça le met en fureur. Ah bon ? Mais comment réagit-il alors ? Devant le juge Murciano, il se met à table, comme on dit dans le milieu. Il signale que durant 6 ans, il a reçu plus de 300 contrats de mission signés de la main de Claude Bertrand, le directeur de cabinet de Gaudin, avec l'accord de ce dernier, bien sûr. Il explique que les 20 000 francs retrouvés sur lui lui ont été remis par Claude Bertrand. La somme devait servir à recueillir des informations sur Bernard Tapie, l'adversaire électoral de Gaudin. Et donne-t-il plus de précisions sur son travail au Conseil régional ? Oui, il aurait essentiellement conduit des missions d'espionnage politique, en procédant à des opérations de fichage de certaines personnalités locales. Il aurait même tenté d'éclaircir une sombre affaire de trafic de champagne au sein de l'OM, l'Olympique de Marseille. Enfin et surtout, Saint-Senet insinue que l'affaire de raquette fiscale aurait pu avoir comme objectif le financement de la droite au Conseil régional. Vengeance ou vérité ? Le juge penche plutôt pour la deuxième version, puisqu'il place en garde à vue le directeur de cabinet de Gaudin, qui le met en examen pour escroquerie, trafic d'influence et corruption active. Ben ça doit forcément faire du bruit. Hein. Bertrand, obligé de démissionner, évoque une manipulation politique destinée à faire tomber son patron, Jean-Claude Gaudin. D'ailleurs, celui-ci est lui-même mis en examen pour escroquerie à l'emploi fictif, ce qui n'empêche pas d'être réélu à la présidence de la région. Gaudin, il faut le remarquer, soutiendra contre toute vraisemblance ignorer qui était Saint-Sné, avant de finir par admettre du bout des lèvres qu'il le connaissait. France Inter, rendez-vous avec X et avec Patrick Pénaud. Retour sur le livre interdit de Rougeau et Verne paru en 1997. Voici ce qu'ils écrivent à propos de l'état d'esprit de Saint-Sné. Si Claude Bertrand se sent soutenu, Fernand Saint-Sné, c'est lui qui l'est lâché. Dès lors, il multiplie les confidences sur certains rouages secrets du conseil régional. Il dévoile la méthode de financement occulte de partis politiques au moyen du racket fiscal et transforme ainsi son dossier de chantage crapuleux, associant demi-barbouze et fonctionnaire du fisc véreux, en affaire de financement politique. C'est bien joué. Exactement comme dans le déroulement judiciaire de l'affaire Yann Pia, la justice freine des deux pieds quand il s'agit d'enquêter sur les aspects politiques du racket fiscal mis en place par le receveur des impôts Cervera et Fernand Saint-Sné. Ainsi, le procureur de Grasse annula en partie la procédure en cours sous le prétexte que le juge d'instruction, Murciano, a débordé de son domaine de compétence en enquêtant sur des structures qu'il suspectait d'être des paravents pour les activités de l'UDF. Alors l'affaire du racket fiscal va donc tourner court. Rapidement. Gaudin et son directeur de cabinet bénéficient de non-lieu. Et Saint-Sné, présenté comme le cerveau de l'affaire, reste un des seuls inculpés avec des fonctionnaires des impôts. Est-ce qu'il doit lui donner l'impression qu'il est un bouc émissaire ? Et il n'a pas l'intention d'en rester là. Mmh. Une parenthèse ici. Le procès de l'affaire du racket fiscal se déroulera en mai 1994. On ne le sait pas encore, mais Fernand Saint-Sné est déjà mort. Mais même vivant, il n'aurait pas comparu, car il a écrit au tribunal qu'il ne se rendrait pas à sa convocation, expliquant qu'au vu du comportement de certains politiques, il a déjà choisi un autre moyen de faire entendre sa vérité. Oui, en s'adressant au juge Van Ruynbeck. Et à la presse, afin de faire éclater le scandale. Mais ce que je voulais vous dire en ouvrant cette parenthèse, c'est que ce procès montre qu'on a voulu à tout prix étouffer l'affaire. Saint-Sné, par exemple, ne devait répondre que de détention et usage d'une fausse carte de commissaire de la police nationale. Ah, plus question de racket fiscal. Et Claude Bertrand, appelé à la barre comme témoin, a pu déclarer qu'il connaissait à peine cet homme à qui il avait pourtant signé 300 ordres de mission. Donc, seuls 5 agents de l'administration fiscale ont été condamnés à des peines relativement clémentes. Mais refermons la parenthèse. Si Saint-Sné n'a pu faire éclater sa bombe avant de mourir, la découverte de son très douteux suicide et celui de son frère vont produire à peu près le même effet. Car on va pouvoir relier le dossier Saint-Sné à celui de Yann Pia. Expliquez-moi. Ce sont des journalistes qui vont faire avancer l'affaire et affirmer qu'il y a eu des relations entre les Saint-Sné et la députée assassinée. Ce sont les deux auteurs d'un livre qui va faire scandale. André Rougeau et Jean-Michel Verne. Oui, on a déjà parlé. Hein. Il reste que même si leur ouvrage a pu être contesté, il n'en demeure pas moins qu'un certain nombre d'informations qu'ils ont produites ont approché la vérité au plus près. Bon, alors, voyons ça. Que prétendent-ils ? Je résume. Yann Pia aurait rencontré l'un des frères Saint-Sné à qui elle aurait remis des documents ultra-secrets sur des reversements de pots de vin à des élus à l'occasion de la vente de terrains militaires au profit de sociétés qui étaient des faux-nés de la mafia. Et ces terrains militaires ont été réellement vendus ? Oui. Il y a par exemple des dizaines d'hectares attenant à la base aéronavale de Fréjus. Et les terrains situés au bord de la mer. Qui valent des fortunes. Or, il semble bien qu'ils ont été vendus à des prix inférieurs aux estimations établies par la Cour des comptes. Et il était difficile de ne pas s'interroger quand on sait que le ministre de la Défense à l'époque de la vente était le député-maire de Fréjus, François Léotard. Oui, car c'est lui qui a obligatoirement donné son accord à cette vente de biens appartenant à l'armée. Mais il y avait aussi d'autres terrains militaires du côté de Saint-Tropez qui, une fois vendus, pouvaient devenir constructibles par un coup de baguette magique et donc engendrer pour leurs nouveaux propriétaires de fantastiques plus-values. Et donc, alors, Yann Pia aurait eu connaissance de ces ventes litigieuses et on aurait informé l'un des frères Saint-Snay. Mais pourquoi ? Yann Pia, je crois vous l'avoir dit, se sentait bien seul. Et en possession de ces informations explosives, elle aurait choisi de les partager avec un homme. Fernand Saint-Snay, qui, depuis qu'il avait été lâché par ses employeurs du conseil régional, ne cessait de prétendre qu'il allait dénoncer toutes les turpitudes du parti républicain dans la région. Alors, est-ce que c'était pour elle une façon de se protéger ? En s'en faisant un allié ? Bah, ça ne l'a pas empêché d'être assassinée, en tout cas. Avant qu'elle ne puisse éventuellement se servir de ces informations, oui. Un meurtre maquillé en vengeance de petits malfrats sur fond de rivalité électorale, alors que le fond de l'affaire, c'était cette histoire de vente de terrain militaire. Et les Saint-Snay, alors, eux, quelles étaient leurs intentions ? Je vous l'ai laissé entendre tout à l'heure. Le sens moral de Fernand Saint-Snay laissait à désirer. Oui. Alors, croyant non sans raison détenir une bombe, il a pu imaginer exercer un chantage sur les hommes politiques et gangsters qui avaient touché beaucoup d'argent à l'occasion de ces ventes de terrains militaires. Mais les tueurs les ont liquidés avant qu'ils tentent quoi que ce soit. Un double suicide qui était en réalité, selon vous, un double assassinat. Et c'est là, 2 ans après les faits, que notre duo d'enquêteurs intervient. Et d'abord dans le journal, le collabore au jour, le canard enchaîné. Il y évoque, sans jamais être démenti, la vente des terrains militaires à un homme d'affaires sicilien via un garagiste marseillais. Et puis, un peu plus tard, toujours avec Verne, il va publier un livre où, sous des sobriquets, deux hommes politiques locaux, Léotard et Gonin, sont accusés de corruption. Ce qui va provoquer de vives réactions de ces deux hommes qui demanderont la saisie du livre. Ah, qu'ils n'obtiendront pas, hein, mais plusieurs pages devront être censurées. Et finalement, l'éditeur préférera jeter l'éponge car il y aura à la clé de lourdes condamnations financières. Alors au fond, on aurait voulu discréditer totalement les révélations de ces deux journalistes qu'on n'aurait pas agi autrement. Hein. Car du coup, c'est toute leur enquête qui a été mise en cause. Par conséquent, dans ces deux affaires, l'assassinat de Yann Pia et le prétendu double suicide des Saint-Snay, on a ainsi ruiné toutes les pistes politiques. Or, de mon point de vue, l'enquête de Rougeau et Verne ne méritait pas un tel désaveu, même si certaines de leurs informations ont été produites sans preuve. En réalité, ils ont été piégés par un ou plusieurs manipulateurs. Ah, oui, mais qui ? Bah, on trouve d'abord presque certainement le patron des renseignements généraux de l'époque, Yves Bertrand. Faut pas oublier le contexte politique. Oui, la bagarre entre les Balladuriens et les Chiraciens. Oui, le très Chiracien Bertrand qui ne pouvait pas ignorer que le Var était particulièrement gangréné par la corruption. A sans doute essayé de couler le Balladurien Léotard en livrant à Rougeau des informations tronquées. Autre manipulateur, un prétendu général, qui aurait été la principale source d'information du journaliste. Et c'est très troublant. Mais pourquoi alors ? Parce que le journaliste a pu obtenir de sa source, en tout cas ce qu'il a toujours affirmé, des informations bien réelles qui étaient à l'évidence d'origine militaire et qui, encore une fois, n'ont jamais était démenti. Donc son informateur, là, ce général... Qui n'était pas général. Bref, peu importe, mais il aurait bien fourni de vrais tuyaux. Bah, parmi d'autres qui le témoignent. Mais là n'est pas l'essentiel. Ce qui compte, c'est qu'il existait quelque part, à l'intérieur de la Grande Muette, des gens qui voulaient que cette histoire de vente calamiteuse de terrains militaires soit connue du public, quitte à mettre en cause le ministre de la Défense, François Léotard. Un ministre qui, il faut le remarquer, a autorisé un dernier acte de vente juste avant de quitter son poste, c'est-à-dire en 1995, après la défaite de son champion Édouard Balladur lors de l'élection présidentielle. Et ces militaires, alors, il faudrait les chercher où, à votre avis ? Bah, par exemple, du côté de la direction du renseignement militaire, la DRM. Des gens qui, par nature, étaient bien informés et ont sans doute suivi l'affaire depuis le début. Et révolté par le prix anormalement bas de la vente d'une base aéronavale historique, ils se sont décidés à porter le paix. Mais ce n'est bien sûr qu'une hypothèse. Mais comment pouvez-vous être sûr qu'ils ont suivi l'histoire de longue date ? J'ai encore trouvé la réponse dans un article de Rougeau pour Le Canard. Il a fait état d'un fait très curieux. La découverte par des plongeurs de la marine au large d'Hyères d'un revolver 357 Magnum seulement 17 jours après l'assassinat d'Yann Pia. Or, ces plongeurs avaient été téléguidés par des officiels de la DRM. Et s'ils savaient où se trouvait cette arme, c'est que vraisemblablement, ils avaient assisté à son immersion. Et ce revolver a servi au cours de l'assassinat de la députée ? C'était certainement l'arme de la deuxième équipe, celle qui n'a jamais été identifiée. Parce qu'on n'a jamais vraiment cherché à le faire. Et si les gens de la DRM étaient 6 sur 2, c'est qu'après avoir repêché le revolver, ils l'ont discrètement expertisé et qu'ils se sont assurés qu'il avait tiré au moins une fois lors de l'assassinat de Yann Pia. Détail intéressant, il avait été déclaré perdu par un policier de Fréjus. Et qu'est devenue cette arme ? Les militaires, bons citoyens, l'ont ensuite remis à la justice. Mais ça n'a intéressé personne. Alors, selon vous, 2 ans plus tard, là, exaspéré par les atermoiements des enquêteurs, ces militaires se seraient adressés au journaliste Rougeau ? Via ce prétendu général, oui. Ils étaient si bien informés qu'il lui aurait même livré le nom de l'un des tueurs de la deuxième équipe, un ancien des commandos Delta de l'OAS. Voilà à peu près ce que je pouvais vous dire sur ces 2 affaires dont les enquêtes ont été visiblement escamotées dès qu'il est apparu qu'elles débouchaient sur des pistes politiques très embarrassantes. Judiciairement, c'est donc fini, car en 1998, le dossier Saint-Sné a été définitivement refermé. J'ajoute simplement, pour ma part, la découverte effectuée par le journaliste de Nice Matin, Roger-Louis Bianchini, de l'existence d'un long rapport d'un inspecteur DRG rédigé en 1997 et qui fait état de la vente sous-évaluée des terrains militaires de Fréjus et Saint-Tropez. Cette émission a été réalisée par Michel Billou avec Basile Bocquer, mise en musique par Monsieur Djoub et préparée par Rebecca Denon qui lit pour nous ceci. Oui, un rappel de quelques ouvrages, celui de Verne et Rougeau dont vous venez de parler, publié à l'automne 97, censuré puis retiré de la vente 3 semaines après par l'éditeur Flammarion, avec un titre très vendeur et accusateur, ce qu'on lui reprochera d'ailleurs, l'affaire Yann Pia, des assassins au cœur du pouvoir. Et aussi Yann Pia, l'histoire secrète d'un assassinat, de Claude Ardide et Jacques-Marie Bourget, paru chez Plon. Enfin, en 2005, dans son livre « 13 mystères de la côte », Roger-Louis Bianchini, qui aborde le sujet en 2 chapitres limpides et écrit d'une plume alerte. Merci Rebecca, vous pouvez nous retrouver sur franceinter.fr à samedi prochain. Et tout de suite, après le flash CO2, mon amour de Denis Chissou.